Prenons une forme plus compliquée, mais qui fonctionne toujours de la même façon. Disons « ça aurait été pris ». Alors, ça aurait, it... It aurait... Would have... Ça, c'est le plongeoir. Alors maintenant, ça aurait été... Been... Been est une forme du verbe être. C'est un plongeoir. Ça aurait été pris... Taken. Il y a deux plongeoirs ici, n'est-ce pas? Celui de aurait, une forme d'avoir donc, et celui de been. Yes. Would have been... Taken. Taken. It would have been taken. Ici, on plonge donc deux fois dans le participe passé. Comment dit-on « je l'ai fait » au passé simple. I did it. Je ne l'ai pas fait. I didn't do it. Je l'ai fait en utilisant le plongeoir. I have done it. Très bien. I have done it. Je ne l'ai pas fait. I don't have done it. Non. Avec les plongeoirs, il ne faut jamais signaler la négation de l'interrogation. I have not done it. Vous comprenez ça? Oui. Avoir se dit to have. Quand il s'agit d'un verbe indépendant, je ne l'ai pas, I don't have it, il est correct d'employer le signal. Si avoir est un plongeoir qui aboutit sur le participe passé, alors là, il n'y a pas de signal. On dit I have not. Ah oui, je comprends. Alors, si vous voulez dire je n'ai pas le temps. I don't have the time. N'est-ce pas? Là, c'est un verbe simple. Mais si on dit je ne l'ai pas fait, alors là, on utilise un plongeoir. I have not... On plonge donc dans le participe passé avec le verbe do. I have not done it. Right, oui. I have not done it. C'est un plongeoir, n'est-ce pas? Quand il s'agit de l'auxiliaire avoir. On ne signale donc jamais avec don't ou do you. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas fait. I didn't do it. Yes. Si je l'avais fait? If I had done it. Right, if I had done it. Si je ne l'avais pas fait? If I had not done it. Right, if I had not done it. Je l'aurais fait? I should... Should, c'est devrait. I would. Je l'aurais fait. I would have done it. I would have done it. C'est fait? It's done it. It's done it, non? C'est fait. It's done? It's done. C'était fait. It was done. It was done. Ça sera fait. It will be done. Right, it will be done. Ça serait fait. It should... It would be done. Right, it would be done. Ça aurait été fait. It should... Aurait... Should, non? No. Should, c'est devrait. Oui. Would. Alors, ça aurait... It would be... It would be veut dire ça serait, mais ça aurait. It would have... Right, once more. Ça aurait été fait. It would have été... Been. Fait. Done. Right. Alors là, il y a deux plongeoirs, n'est-ce pas? Celui de aurait, would have... et celui de « été »,« been ».« Been » aboutit de nouveau sur le participe passé « done ».« It would have been done ».« It would have been done ». Yes. « Tout aurait été préparé pour vous si je l'avais su. » Tout ?« All ?»« Everything ».« Everything. Toute chose. Everything. Aurait été préparé pour vous. Aurait été. Would have been. Préparé. Prepared. Pour vous. For you. Right. Very good. Everything would have been prepared for you. Si je l'avais su. If I had known it. Très bien. Yes. Si je l'avais su. If I had known it. Tout aurait été préparé pour vous. Everything would have been prepared for you. Si je l'avais su. If I had known it.